بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مترى شير فرير سير. Aujourd'hui le samedi 30 رمضان de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 23 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, notre lecture dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, à partir du livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui s'intitule « Al-Fusulu fi sirati al-Rasul ». Et avant d'entamer notre cours et de poursuivre de là où on s'était arrêté, je voulais attirer votre attention sur une sunna qui précède le mois du Ramadan, le mois de Ramadan qui est le jeûne des 6 jours de Shawwal. Le jeûne des 6 jours de Shawwal. Et comme vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'authentique, من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme il aura la récompense comme quelqu'un qui a jeûné une année. Et la raison de cette récompense immense, c'est que l'hasana est rétribué par 10. Et celui qui jeûne un mois aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné 10 mois. Allah, il lui donne la récompense de quelqu'un qui a jeûné 10 mois. Une hasana est rétribuée par 10. Et celui qui jeûne 6 jours de Shawwal, multiplié par 10, ça donne 60 jours, 2 mois. Donc c'est comme si Allah il lui donne la récompense de quelqu'un qui a jeûné une année, 12 mois. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi ce mérite est spécifique à Shawwal? Et quelle est la différence entre quelqu'un qui jeûne ses 6 jours de Shawwal et quelqu'un qui les jeûne de Dhul-Qa'da ou Dhul-Hijja? Est-ce qu'il y a une différence? Naam, il y a une différence. Car quand tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est récompensé par 10 la récompense du jeûne obligatoire. Et le jeûne pendant le mois de Sha'ban et également le jeûne pendant le mois de Shawwal, c'est comme Ratiba pour la prière obligatoire. C'est comme Ratiba pour la prière obligatoire. C'est-à-dire que ce jeûne est rétribué comme le jeûne obligatoire. Et donc si tu jeûnes Ramadan et 6 jours de Shawwal, car c'est un jeûne qui est en lien avec le jeûne obligatoire. C'est comme Ratiba, un acte surrogatoire lié à l'acte obligatoire. Et de cette manière, celui qui jeûne Ramadan et qui le fait suivre de 6 jours de Shawwal, Allah lui donne la récompense de quelqu'un qui a jeûné un jeûne obligatoire pendant toute une année. Et ça, c'est immense. Qu'Allah nous l'accorde à tous. Contrairement à quelqu'un qui jeûne ses 6 jours d'un autre mois, qui n'est pas en lien avec le mois de Ramadan. C'est pour ça, dans l'avis de la plupart des savants, les prières surrogatoires qui sont liées aux prières obligatoires qu'on appelle al-rawatib, ce sont le meilleur des nawafil. Ce sont les meilleurs des prières surrogatoires. Et sont meilleurs même que Qiyam al-Layl, que la prière de nuit. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Et ils interprètent le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que le meilleur de la prière surrogatoire après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit. Ils disent, c'est le meilleur des actes de la prière surrogatoire absolue. Et non pas les prières liées aux prières obligatoires. Celles-là sont les meilleures. Wallahu a'lam. Mais de toute manière, c'était pas ça ce que je voulais, sur quoi je voulais attirer votre attention. Mais j'ai profité de ça pour vous dire que, bi'idnillah, nous allons poursuivre à la même heure horaire nos cours sur la sira, en espérant finir la première partie, bi'idnillah, dans ces six jours qui vont suivre, dans le mois de Shawwal. Et nous devons tous faire notre maximum pour maintenir ce bien vers lequel on a été guidé pendant ce mois et qui nous a été facilité pendant ce mois. Il ne faut pas l'arrêter complètement. Si tu peux le garder avec la même intensité et la même fréquence, ça c'est un bien immense. Et si tu ne peux pas, même en le réduisant, mais ne l'arrête pas complètement. C'est-à-dire, t'as jeûné tous les jours. Donc après, au minimum, essaye de jeûner 3 jours par mois. T'as prié 11 rak'at ou plus, chose qui est autorisée, chaque nuit. Alors maintenant, n'arrête pas Qiyam al-Layl. Et je demande à Allah de nous le faciliter à tous. Wallahi, c'est un jihad. Et nous devons demander à Allah l'aide pour maintenir ce bien vers lequel on a été guidé. De maintenir un Qiyam al-Layl, ne serait-ce que 3 rak'at, 5 rak'at, ce que tu peux. Mais maintiens ce bien vers lequel tu as été guidé. Et ça sera un signe qu'Allah a accepté de toi. Car le signe de l'acceptation de l'hasana, c'est qu'Allah te guide vers une hasana, une autre hasana après elle. Et le signe de sayi'a, c'est qu'Allah t'abandonne dans une autre sayi'a. Donc essayons et faisons de notre mieux pour maintenir ce bien, que ce soit au niveau du jeûne, ne serait-ce que 3 jours par mois, et au niveau de la salat al-layl, ne serait-ce que 3 rak'at, 5 rak'at, dans lesquels tu lis dans chaque rak'at une page de le Coran. Pour celui qui connaît le Coran par cœur, de sa mémorisation, il récite par cœur. Celui qui connaît pas, il prend le mushaf dans sa main. Ou s'il l'a dans un téléphone, et ça peut être plus pratique. Comme ça, il n'y a pas de mal à le mettre dans la poche. Yani, contrairement au mushaf, tu dois pas le mettre dans la poche qui est au niveau des parties intimes. Car ça peut représenter une forme d'humiliation pour le mushaf. Le mushaf doit être honoré. Et également, tu le poses pas par terre. Et toutes ces choses, tu peux les éviter quand tu as le mushaf, quand tu as le Coran dans un téléphone. Tu peux le prendre et lire de ce téléphone. Tu lis ce que Allah t'a permis de lire. Et ensuite, tu le mets dans tu le ranges et tu fais recours. Et ne garde pas dans la main, que ce soit le mushaf ou le téléphone, pendant le recours et pendant le sujoud. Parce que le recours, tu dois mettre les mains sur les genoux. Et dans le sujoud, tu dois te prosterner sur 7 membres, comme il a été ordonné à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc nous allons continuer, bi'idnillah, jusqu'au 7e jour de Shawwal. Demain, l'Eid, et nous allons faire 6 jours, les 6 jours de jeûne. Et subhanallah, ça m'a fait penser à quoi, le point que je voulais aborder, c'est que parmi les façons d'idrak al-khayr, afin de profiter et d'exploiter les moments bénéfique et méritoire, c'est de se hâter à le faire. C'est pour ça, c'est très recommandé, et c'est un avis des savants, comme quoi le mérite n'est obtenu que de cette manière. Après le jour de l'Eid, commence tout de suite à jeûner les 6 jours de Shawwal. Car ton corps est encore habitué au jeûne. Et tu as constaté que vers la fin de ton jeûne, vers la moitié du mois de Ramadan, ou après les 10 premiers jours, ou là un peu moins, selon la personne, et selon son taux de sucre dans le corps, tu t'habitues au jeûne, et ça devient d'une facilité. Et tu sens même pas, yani tu fournis pas d'efforts pour jeûner. Contrairement au premier jeûne, surtout pour nous qui ne sommes pas habitués à jeûner toute l'année. Par contre, les gens qui jeûnent toute l'année, ils ne voient pas la différence. Et c'est pour ça, yani, ça a été légiféré parmi les sagesses, le jeûne de Sha'ban. Comme ça, tu prépares ton corps si tu n'es pas habitué au jeûne, et quand tu rentres dans Ramadan, tu profites pleinement dès les premiers jours. C'est pas tu vas passer des jours où tu souffres avec le jeûne pour habituer ton corps. Et pendant ces jours-là, tu vas moins profiter de tes moments pendant Ramadan. C'est pour ça, il nous est demandé al-musara'a ou al-musabaqa, de se concurrencer et de se hâter et de se précipiter à faire le bien. Et la façon la plus simple pour jeûner les six jours de Shawwal, c'est de les jeûner à partir du 2 Shawwal. Le 7 Shawwal, t'as fini. T'as fini bi-idhnillah, et en espérant qu'Allah nous accorde ce mérite et nous facilite les œuvres pieuses partout qu'on soit. Hada le point que je voulais aborder. Ensuite, par rapport à le cours dernier, on a parlé de qissat al-ifk ou hadithat al-ifk, la calomnie dont a été victime la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, la pure, la sainte, la purifiée, la bien-aimée de notre messager alayhi salatu wassalam, dont les mérites sont très très nombreux, la grande faqiha, la grande juriste de la loi islamique, al-faqiha, vers laquelle revenaient beaucoup de grands compagnons pour l'interroger sur des questions de religion, et en particulier les questions qui concernent le prophète alayhi salatu wassalam dans son foyer. Épouse du prophète alayhi salatu wassalam dans le dunya, et son épouse qui sera avec lui au paradis. Qui sera avec lui au paradis. Son épouse dans le dunya et son épouse dans l'akhira. Et ça, c'est valable pour toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala préserve les prophètes. Et il ne leur donne, pour notre prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla a choisi parmi les meilleures des femmes, radiyallahu anhun, qu'Allah les agrée. Et Allah purifie tous les prophètes sans exception, que leurs épouses tombent dans une trahison vis-à-vis d'eux, une trahison dont l'honneur, mais elle peut ne pas le suivre dans sa religion, comme c'était le cas de Nuh alayhi salam et de l'autre alayhi salam. Mais jamais l'épouse d'une prophète alayhi salatu wassalam tombe dans la fornication, dans l'adultère, quelque chose qui puisse nuire et tacher l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est jamais arrivé. C'est pour ça, l'imam Ibn al-Qayyim, je vous avais promis de parler et de citer quelques sagesses qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, attiré de cette histoire de la calomnie. Et comme on n'a pas pu les citer le cours dernier, je vais commencer avec. Et justement, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, a commencé à citer ses sagesses par une question. Il a dit, pourquoi le Nabi alayhi salam n'a pas réagi comme ont réagi certains parmi les compagnons radiallahu anhum, qui ont tout de suite dit Subhanaka hadha buhtanun azim. Quand ils ont entendu la calomnie, ils ont purifié la mère des croyants de cela. Et ils ont dit, gloire et pureté à Allah, ceci est une calomnie immense et évidente. Pourquoi Nabi Issa salam, alors que lui, il connaît, c'est lui qui connaît le mieux son épouse, Aisha radiallahu anha, et il connaît ses vertus et ses mérites. Mais pourquoi Nabi Issa salam n'a pas agi ainsi? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit la réponse à cette question comporte des sagesses, des grandes sagesses. Et ceci est un test et une épreuve pour le messager, alayhi salatu wassalam, et pour toute sa communauté jusqu'à la fin des temps. Afin d'élever avec cette histoire et cette calomnie des hommes et rabaisser d'autres, afin d'élever avec cette histoire et cette calomnie des hommes et en rabaisser d'autres, et afin d'augmenter ceux qui sont guidés dans leur guidée et d'augmenter leur foi et de ne rajouter les injustes que perdition. Et le test et l'épreuve a nécessité que le prophète alayhi salatu wassalam ne reçoive pas de révélation pendant tout un mois à ce sujet, afin que l'épreuve s'intensifie et afin qu'Allah azza wa jal fasse voir ses grandes sagesses de la manière la plus parfaite, et afin que les croyants sincères, yani, soit augmenté dans leur foi et dans leur raffermissement et dans leur attachement à la vérité et dans leur pensée du bien vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et de son messager et de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et afin que les hypocrites s'enfoncent encore plus dans leur calomnie et dans leur hypocrisie, et afin qu'Allah Azza wa Jal montre à son messager et aux croyants ce que cachent ces hypocrites et leur montre le fond de ces hypocrites et tout ce qu'ils cachent. Et afin, également parmi les sagesses, afin qu'Allah Azza wa Jal permette à la véridique qui est Aisha radiallahu anha ainsi qu'à ses parents et sa famille de leur permettre de voir l'immense bienfait d'Allah sur eux. Et afin qu'il soit dans une dépendance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans un besoin absolu vis-à-vis d'Allah azza wa jal, et qui se dresse et qui s'oriente vers lui et qui s'oriente vers lui et qui l'invoque et qui le supplie de lever cette épreuve par laquelle ils étaient touchés, et afin de manifester également l'adoration de l'humilité vis-à-vis d'Allah azza wa jal, et de continuer à penser du bien de lui et de l'espérer, et afin que leur espoir et leurs attentes de la part des créatures s'arrêtent, et afin qu'ils n'espèrent le triomphe et la victoire et l'issue que de la part d'Allah Azza wa Jal et de aucune de ses créatures. C'est pour ça Aisha radiallahu anha a atteint des degrés très très élevés dans ses sens. Et ceci quand son père et sa mère lui ont demandé, quand Allah a révélé son innocence, ils lui ont demandé de se lever et de remercier le prophète alayhi salatu wassalam. Elle a dit, par Allah je ne me lèverai pas et je ne louerai pas et je ne louerai que Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes mes louanges seront à Allah, car c'est lui qui a fait descendre mon innocence. Subhanallah. Et ça, c'est des niveaux très très élevés dans le tawhid, où tu t'orientes complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala, où il n'y a plus dans ton cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, et que le besoin et la dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala atteint son maximum et atteint des degrés très très élevés. Et c'est ce qui est arrivé justement à la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, suite à cette épreuve. Et Allah azzawajal a voulu dévoiler, et pour que ce soit pour son messager, et également pour les croyants, dévoiler tous ces hypocrites, excepté bien évidemment les croyants qu'on a vus, sincères, les trois, qui étaient induits en erreur, et qui ont été purifiés par la sentence qui leur a été appliquée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est de 80 coups de fouet, yani, et ça c'est une purification dans le dunya. Et la chose sur laquelle tu subis une sentence religieuse, ça sera une purification pour toi dans le dunya, et tu ne seras pas jugé sur cette chose ni châtié dans l'akhira. Et le châtiment de dunya est bien évidemment moins dur et moins grave que le châtiment de l'akhira. Ça, c'est une certitude. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Le châtiment de l'au-delà est beaucoup plus grand si seulement ils savent. Également, l'imam Ibn al-Qayyim a cité d'autres sagesses qu'Allah Azzawajal a voulu montrer le statut de son messager et de son épouse. A voulu montrer le statut de son messager, de son épouse. Comment ça? Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé lui-même de défendre l'honneur de son prophète et de son épouse et qui a montré son innocence. Et il n'a chargé personne de ses créatures de cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en est chargé lui-même subhanahu wa ta'ala. Et ça montre l'estime et le statut extrêmement élevé de son prophète et de son épouse Aïcha radiallahu anha. Et c'est lui qui a blâmé les ennemis du prophète Aïcha sallallahu alayhi wa sallam qui sont tombés dans cette calomnie. Et bien évidemment, celui qui a été visé par cette calomnie, c'est pas Aïcha radiallahu anha, c'est le messager d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Car ces hypocrites, ils voulaient faire du mal au prophète Aïcha sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils n'ont pas réussi, et ils ont trouvé cette occasion, yani, l'histoire qui s'est passée, ils en ont profité pour faire du mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça, ça convenait pas au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de défendre lui-même son épouse. Lui, il connaît son innocence. Il connaît comment aller à Aïcha radiallahu anha. Il connaît ce que Allah lui a choisi parmi les épouses. Mais, comme la critique de Aïcha, c'était une critique du messager, alayhi salatu wassalam, en réalité. C'est pour ça, ça convenait pas que ce soit lui qui la défende. Et c'est pour ça que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a montré son innocence. Comme on a vu quand Allah a révélé ces versets, Al-Had a été appliqué à ses trois compagnons, radiallahu anhum, et c'était une purification pour eux dans Dunya, et l'application des sentences est une purification dans Dunya, comme c'est rapporté dans le Hadith. Et c'est un allègement également du châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les hypocrites ne leur a pas été appliqué. La sentence ne leur a pas été appliquée pour que leur châtiment dans l'akhira ne soit pas allégé. Également parce que ces hypocrites n'ont pas reconnu leur critique à l'égard de la mère des croyants dans son honneur. Et comme quoi ils l'ont accusé de fornication. Ils n'ont pas reconnu ça, il n'y avait pas de preuve contre eux. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas leur appliquer la sentence, contrairement aux croyants sincères qui pensaient que c'était comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont reconnu. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a appliqué l'had. Et bien évidemment, la sentence ne peut être appliquée qu'avec une bayina. des preuves. Et les preuves, comme on a vu dans le cours précédent, ces quatre témoins oculaires qui ont vu al-mikhal dans le mirwad, al-mirwad dans le mikhala. Al-mirwad, c'est le petit bâton avec lequel on met du khul dans les yeux. Et le mikhala, c'est le flacon dans lequel il y a le khul. Donc, yani, qui ont vu les choses d'une manière très explicite, comme je vous ai détaillé, yani, de la manière la plus explicite que je pouvais, hier. Donc, ou bien la preuve, ces quatre témoins oculaires, sinon, il faut que la personne reconnaisse. Et il faut savoir que si jamais une personne reconnaît qu'elle est tombée dans l'adultère, et quand elle vient devant le juge, elle dit non. Et elle renie. Imaginons qu'elle a reconnu cela devant toute la planète. Je vais toujours dans l'exagération. Il y a des gens, ils ont besoin de ça pour comprendre, malheureusement, suite à cette fitna et tout ce qui a été dit. Et qui a dévoilé une grande ignorance. Imaginons un homme, il reconnaît devant toute la planète sur Terre, sans exception. Il reconnaît qu'il est tombé dans ce zina. Il vient devant un juge et il reconnaît également devant le juge. Et après, il change d'avis. Il dit non, je suis pas tombé dans ce zina. Je me suis trompé. Alors, on n'appliquera pas l'had sur lui. Parce qu'il faut qu'il reconnaisse jusqu'à l'application de l'had. Et si jamais il change de parole, alors le had ne sera pas appliqué. Subhanallah, quand tu regardes tout ça, tu comprends que l'islam, dans la législation de l'islam, il est demandé de préserver l'honneur du croyant. Et si cette porte est ouverte, tout le monde va venir et va accuser les gens. Et quel intérêt à dévoiler les péchés des gens, même ceux qui tombent réellement. Ce qui est demandé, c'est de couvrir les croyants. Et non pas de les dévoiler. Et quand tu regardes tout ça, tu vois que quand tu vas témoigner contre quelqu'un et l'accuser de zina, que tu t'exposes à des grands dangers, à ce que ce soit toi qui subis la sentence. Les 80 fouets, coups de fouet, les 80 coups de fouet. C'est pour ça, c'est pas un domaine qu'on prend à la légère et dans lequel les gens parlent avec ce qu'ils entendent ou des handis. Ou des handis. C'est pas, ces choses n'ont pas de valeur dans ce domaine. C'est des preuves évidentes et claires, sinon tu te tais et tu dis rien du tout. Et si jamais le had n'est pas appliqué dans le dunya, t'es pas à l'abri qu'il te soit appliqué dans l'akhira. Et que tu sois châtié dans l'akhira. Un châtiment beaucoup plus pénible et beaucoup plus douloureux que celui de dunya. Al-Had également, il a cité l'imam Ibn al-Qayyim, que l'Had, la sentence, les punitions religieuses, que ce sont le droit, ici dans le Qadf, c'est le droit de celui qui a subi ses critiques. Et s'il pardonne, alors il ne sera pas appliqué. Et si la personne ne demande pas à ce qu'on applique l'Had, il ne sera pas appliqué non plus. Donc ça, comme c'est le droit de l'être humain, il faut qu'il demande son droit. Il faut qu'il demande son droit. Et Aïcha radiallahu anha n'a pas demandé à ce qu'il soit appliqué à la tête des hypocrites, Ubay ibn Saloul. Au contraire, le fait de ne pas appliquer al-had vis-à-vis de la tête des hypocrites, car les conditions n'étaient pas réunies. Mais l'imam Ibn al-Qayyim cite une autre sagesse. C'est qu'il y avait un grand intérêt, car c'était le maître d'une grande tribu, et l'intérêt c'était que ne pas faire quelque chose qui va les éloigner de l'islam. Mais s'il n'a pas été appliqué, bien évidemment, ça c'est une sagesse supplémentaire. S'il n'a pas été appliqué, c'est que les éléments pour l'appliquer n'étaient pas réunis. Voilà quelques sagesses que l'imam Ibn al-Qayyim a cité par rapport à ce point. Maintenant, nous allons commencer à parler de Ghazwat al-Hudaybiya ou Sulh al-Hudaybiya. Donc, la bataille de l'Hudaybiya, qui s'appelle également le pacte de l'Hudaybiya ou la trêve de l'Hudaybiya. Cette bataille, pour cette bataille, donc, Nabi alayhi salam est sorti dans le mois de l'Qa'da, de l'année 6 de l'Hégire. De l'année 6 de l'Hégire. Il est sorti, alayhi salatu wassalam, avec 1500 hommes. Ça a été rapporté 1400, 1300. Mais la plupart des savants disent que c'est 1500 et que ceux qui ont dit 1400, peut-être que, ils ont arrondi ou quelque chose comme ça. En tout cas, il est sorti, alayhi salatu wassalam, avec 1500 hommes, et il est sorti, non pas pour combattre, malgré qu'ils avaient leurs armes, et qu'ils s'attendaient à ce qu'ils se fassent attaquer par Quraysh. Parce que là, ils vont aller jusqu'à Mecca, pour faire l'Umra. Ils sont sortis uniquement pour l'Umra. Et ils ne sont pas sortis pour la bataille. Et quand Kuffar Quraysh ont su que le muslimin était sorti dans ce nombre en voulant Mecca pour faire l'Umra, ils sont sortis pour les combattre et les empêcher d'accomplir l'Umra. Et Kuffar Quraysh ont rassemblé leurs alliés. Ils ont rassemblé leurs alliés et ils sont sortis. Et ils ont envoyé une armée à sa tête Khalid ibn al-Walid. Et tous c'était des cavaliers, ils les ont envoyés pour intercepter l'armée des pour intercepter les musulmans de loin, à un endroit qui s'appelle Qura'ul Ghamim. Et quand Nabi Isa sallam a su la sortie de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, mais là il était encore dans les rangs de l'kuffar, quand il a entendu sa sortie, il a demandé à des compagnons s'ils connaissaient une autre route afin d'esquiver Khalid ibn al-Walid et ses cavaliers et de continuer vers Mecca. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont échappé à Khalid ibn al-Walid et ceux qui étaient avec lui jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Et c'est là où des échanges ont commencé entre le Nabi Aïssa al-Salam et les têtes de Quraysh. Des échanges ont commencé entre le prophète Aïssa al-Salam et des kuffars de Quraysh. Al-Hudaybiyah, c'est un endroit qui est pas loin de Mecca, très proche de Mecca. Donc ils se sont arrêtés à cet endroit et ils ont commencé des échanges de courriers entre le Nabi alayhi salam et les têtes de Quraysh. Et ces échanges et ces essais de discussion et de négociation étaient sans fruit entre le Nabi alayhi salam et Kuffar Quraysh. Jusqu'à ce qu'un homme est venu de Quraysh qui s'appelle Suhail ibn Amr. Le Nabi alayhi salam, quand il a su que c'était lui qui est venu, il s'appelle Suhail. Ça vient de, c'est dérivé de la facilité. Quand le Nabi alayhi salam l'a vu, il a dit, votre affaire sera facilitée. Effectivement, Suhail ibn Amr, quand il est venu, il s'est mis d'accord avec le prophète alayhi salatu wassalam et ils ont réussi à trouver un arrangement. Et ils ont signé ce jour-là un accord entre le muslimin et Kuffar Quraysh qui s'est fait appeler le pacte de l'Hudaybiyah, Et ce pacte, yani dans ce pacte, il y avait l'interdiction d'accomplir l'Umrah cette année. Et que Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'allaient pas faire l'Umrah cette année. Et Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a accepté cette condition. Malgré que certains compagnons n'ont pas accepté cette condition et ont vu en cela comme une humiliation pour les musulmans. Donc, l'Hudaybiya se trouve à peu près à 24 kilomètres de Mecca. Donc, ils étaient très très proches de Mecca. Et c'est là où ils ont conclu ce pacte qui s'est fait appeler le pacte de l'Hudaybiya, le nom de cet endroit. Et dans ce pacte, parmi les clauses de ce pacte, c'est que les musulmans n'allaient pas faire l'Umrah cette année et qu'ils vont la faire que l'année prochaine. Yani le même mois de l'année prochaine, le mois Dhul Qa'da. Et certains compagnons parmi eux, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ont discuté de cet accord. Yani, il a discuté tout d'abord avec Abu Bakr. Il a essayé de voir avec lui et de comprendre de lui. Et Abu Bakr, subhanallah, de lui-même, il lui a donné des réponses à tous les points qu'il a cités. De lui-même. Il a répondu à ce qu'il a posé comme question à Omar radiallahu anhu et qui posait des problèmes pour lui et certaines conditions dans lesquelles il voyait une humiliation pour le musulman. Et que le musulman, avec la fierté qu'Allah leur a donnée, la puissance de l'islam, ils ont vu qu'ils étaient capables de ne pas accepter ça et qu'ils peuvent combattre Quraysh et les exterminer. Pourquoi on accepte de ça? Yani c'était l'optique de ses compagnons qui ont vu une humiliation dans certaines conditions. Mais subhanallah, regardez la foi de Abu Bakr radiallahu anhu. Quand Omar est venu, c'est pour ça, c'est Abu Bakr Siddiq. C'est pour ça, cet homme à lui seul, sa foi dans la balance, elle est plus lourde que la foi de toute la Ummah. Excepté son messager, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, Omar radiallahu anhu est parti voir le Nabi alayhi salatu wassalam, et il a parlé avec lui avec les mêmes choses. Et subhanallah, il lui a donné exactement les mêmes réponses que lui a donné Abu Bakr Siddiq. Et ses réponses, c'était que il lui disait, quand Omar il disait quelque chose, Abu Bakr il lui dit, il est le serviteur d'Allah et son messager. Et il ne va pas désobéir à Allah. Et Allah lui accordera la victoire et le triomphe. C'est-à-dire que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y fait, même si tu comprends pas la sagesse, sache que c'est avec les ordres d'Allah. Car il n'agit pas de lui-même. Il agit de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est assisté et soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Bukhari, il dit, l'imam al-Kathir, que l'imam al-Bukhari, dans son authentique, a fait une compilation de toutes les versions et de toutes les narrations des ahadiths au sujet de l'Hudaybiya. Il les a cités, dans son authentique. Et donc, parmi les conditions dans ce pacte qui ont été imposés par Suhail ibn Amr, c'est que les musulmans n'allaient pas faire l'Umrah cette année. Et seulement l'année suivante. Et en plus, il lui a dit, à condition même l'année suivante, que quand vous allez faire l'Umrah, vous venez pas avec les armes préparées, yani pour la guerre, mais vous ramenez vos épées dans leur gaine. Yani, vous venez, sans être, vous venez pas pour la guerre, pour l'Umrah, et vos armes, que ce soit dans leur gainage. Et que le Nabi alayhi salam, également parmi les conditions, que le Nabi alayhi salam n'allait pas passer plus de 3 jours à Mecca quand il vient faire l'Umrah. Également parmi les conditions, ils ont signé une trêve entre le muslimin et Quraysh pendant une période de 10 ans. Pendant une période de 10 ans. Qu'il n'y aura jamais de guerre entre les deux clans. Et c'est pour ça que cette trêve, l'accord sur cette trêve, c'était parmi les plus grandes victoires qu'Allah a accordées aux muslimines, subhanallah. Regardez ce que certains compagnons, radiyallahu anhum, ont vu, la chose dans laquelle ils ont vu comme une humiliation. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, dit que ça, c'était parmi les plus grandes victoires qu'Allah a accordées aux muslimines et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari que Sahl ibn Hanif, radiyallahu anhu, ce qui s'est passé dans l'Hudaybiyah, lui a servi de grande leçon. Et c'est pour ça que Sahl ibn Hanif, radiyallahu anhu, il faisait ce rappel au Khawarij dans le jour de Siffin, la bataille de Siffin contre le Khawarij. Il leur disait, accusez vos avis, car j'ai vu le jour de Abu Jandal. Yani, quand c'est arrivé ce qui est arrivé à Abu Jandal, et on va voir qui est Abu Jandal, quand j'ai vu ce qui est arrivé à lui, si je pouvais ne pas me conformer à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, je l'aurais fait. Mais il s'est conformé aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Car c'est le messager d'Allah. Mais au fond de lui, comme s'il n'avait pas accepté. Yani un sahabi, Abu Jandal. Abu Jandal, c'est, yani, on a parlé de lui quand on a parlé de l'hijra. Et qu'il s'était donné. Non, afwan, ça c'est Bakr ibn Abu Ayyash. Non, Abu Jandal, c'est un sahabi, radiyallahu anhu, qui est sorti ce jour-là. Et il a fui le kuffar, il était parmi les muslimines, les rares muslimines qui étaient encore à Mecca et qui étaient torturés jusqu'à ce jour-là. Et imaginez un sahabi, un croyant comme Abu Jandal radiyallahu anhu, il était torturé à Mecca par les siens jusqu'à cette année, c'est-à-dire l'année 6 de l'Hégire, et même vers sa fin, il y a presque l'année 7. Après le Hijra, il était encore torturé à Mecca. Et quand il a su que les muslimines sont sortis et sont arrivés jusqu'à l'Hudaybiyah, à quelques kilomètres seulement de Mecca, il a réussi à s'enfuir et il est arrivé jusqu'aux muslimines. Et subhanallah, la sagesse d'Allah Azzawajal, sa sagesse absolue, yani ce qui s'est passé, c'est que cet homme, Abu Jandal radiallahu anhu, est venu au moment où le pacte allait être finalisé entre Amr ibn Suhail et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et celui qui était chargé d'écrire ce pacte, c'était Ali radiallahu anhu. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit d'écrire, ça c'est sur quoi on s'est mis d'accord avec, yani nous, moi le messager d'Allah et Amr ibn Suhail. Et là Amr ibn Suhail, il a dit, si je savais que tu étais le messager d'Allah, je t'aurais suivi. Donc ne mets pas le messager d'Allah, mais mets entre Muhammad, fils de Abdullah. C'est comme ça qu'on te connaît. Et au début, il a marqué Bismillahirrahmanirrahim. Il a dit, on ne sait pas ce que c'est Rahman, mais marque Bismikallahum. Et dans tout ça, le Nabi alayhi salam, il dit à Ali de changer. Et Ali, quand il lui a dit d'effacer messager d'Allah et d'écrire Muhammad ibn Abdullah, il est rapporté dans certaines versions qu'il n'a pas pu le faire lui. Comment il efface le messager d'Allah et il marque Muhammad fils de Abdullah? Et le Nabi alayhi salam lui a dit, montre-moi où c'est écrit. Il lui a montré et c'est le Nabi alayhi salam, il est rapporté, c'est lui qui l'a effacé. Et le Nabi alayhi salam a tout fait pour que ce pacte se finalise entre lui et Kuffar Quraysh. Et parmi les paroles qui ont été rapportées de lui, alayhi salatu wassalam, il a dit, par Allah, s'il me demande une chose dans laquelle il vénère les sacralités d'Allah Azza wa Jal et les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala, je serai d'accord. Je serai d'accord. Effectivement, yani, donc je parlais de Abu Jandal. Donc Abu Jandal radiallahu anhu, j'ai dit, il est arrivé juste au moment où le pacte allait être finalisé. Et dans le pacte, il y avait marqué, parmi les choses sur lesquelles ils se sont mis d'accord et que le Nabi alayhi sallam a accepté, c'est que toute personne, toute tribu qui souhaite entrer dans l'alliance du messager d'Allah alayhi sallam, elle peut le faire. Et toute tribu qui souhaite entrer dans l'alliance de Quraysh, elle peut le faire. Et ce jour-là, sont entrés dans l'alliance avec le prophète alayhi sallam, les Bani Khuza'a, et sont entrés dans l'alliance de Quraysh, les Banu Bakr. Et parmi les conditions, et c'est ça, celle-là qui était très difficile pour Sahaba, et que Sahl ibn Hanif a cité, c'est que si jamais il y a un muslim qui vient vers le muslimin de Quraysh, quelqu'un qui sort de Quraysh et qui va vers les muslimines, ils doivent le refuser et ne pas l'accepter à Médine. Et contrairement à Quraysh, si jamais un muslim, il sort de Médine et il souhaite venir vers Quraysh, il apostasie, alors ils vont pas le rejeter, ils vont l'accepter. Donc vous voyez, c'est pas ni équitable. Et ça, c'était très difficile pour Sahaba radiallahu anhum. Yani, si un musulman souhaite émigrer vers le Madina de Quraysh, même s'il le fait, il arrive à s'enfuir, quand il arrive à le Madina, le Nabi Hassan ne doit pas l'accepter. Et doit le refuser. Et ne pas l'accepter vers le Madina. Et si jamais un musulman apostasie et excommunie et sort de Madina, et arrive à Mecca, alors là, Quraysh, ils vont l'accepter sans problème. Le Nabi alayhi sallam a accepté cette condition. Le Nabi alayhi sallam a accepté cette condition sur laquelle certains sahaba avaient beaucoup de mal avec la, comme je vous ai dit que les savants ici, avec la fierté de l'islam et la puissance de l'islam qu'Allah leur a donné, c'était très très dur pour eux d'accepter une condition comme ça dans laquelle ils ont vu une humiliation. Mais on va voir que cette condition particulière, c'est la condition qui va être la plus difficile pour Quraysh. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette condition, ça sera le malheur de Kuffar Quraysh. Ça sera parmi les plus grands malheurs et les plus grandes épreuves par lesquelles seront touchés Kuffar Quraysh. Justement que Nabi alayhi sallam n'acceptera pas certains sahaba et à leur tête Abu Basir radiallahu anhu, et ils vont former comme yani un groupe de muslimines, ils vont savoir qu'ils ne pourront pas aller fil Medina, donc ils vont se mettre pas loin de Mecca et ça sera les calvaires pour Quraysh de la part de ces muslimines. Ils vont intercepter leur caravane commerciale, et c'est pas un état, c'est pas un pays, c'est pas un endroit connu où ils peuvent aller vers eux. Non, c'est des hommes qui vont s'abriter dans les montagnes et qui vont faire énormément de mal aux muslimines jusqu'à ce que Kuffar Quraysh, ils vont venir d'eux-mêmes et ils vont demander au prophète alayhi salatu wassalam d'annuler cette clause, d'annuler cette condition et que finalement tu peux accepter les muslimines. Subhanallah. C'est pour ça que je vous disais que Sahl ibn Hanif, radiallahu anhu, il disait, le jour de la bataille contre le Khawarij dans ses films, il disait, accusez vos avis. Quand tu penses une chose et tu trouves que ton avis va à l'encontre de la législation, va à l'encontre de ce qu'Allah a ordonné, va à l'encontre de ce que le messager a ordonné, alors accuse ta compréhension et accuse ton avis, ce que tu penses que c'est un bon avis, de bon sens, accuse-le. Certains, ils commencent à réfléchir. Allah interdit le riba. Après lui, il dit, moi maintenant, si je paye un loyer mensuel de 500 euros ou plus ou moins, c'est de l'argent qui est donné comme ça. C'est du gaspillage. Contrairement à si j'achète une maison avec riba, je vais payer la même somme, mais au bout de 15 ans, de 20 ans, la maison m'appartient. Et j'aurai acquis ce bien pour moi et pour mes enfants après moi. Donc si tu regardes la logique de certains gens et le raisonnement, tu vas te dire, oui, il a pas tort. Mais subhanallah, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Quand arrivent les textes, il n'y a pas lieu à émettre des raisonnements comme celui-là. Et comme bien on a vu de personnes qui sont entrées dans le riba avec des raisonnements soi-disant logiques, mais c'est des raisonnements sataniques en réalité. Et que subhanallah, après avoir acheté une maison avec le riba, leur vie s'est transformée en des calvaires. Et il n'y avait plus de baraka dans leur vie, ni dans leurs enfants. Leurs enfants se sont égarés. Il y en a qui sont tombés dans les drogues, et dans pire que les drogues. Et ils n'avaient plus de baraka dans leur vie. Et ils gagnent de l'argent. Lui, il travaille, la femme travaille, des salaires rentrent par-ci, par-là. Et il n'y a rien. Contrairement, wallah, il te dit ça comme ça. Contrairement à quand on était dans la location, et on n'avait qu'un seul salaire dans la maison, et subhanallah, on était dans une ni'ma, on voyait le khayr. Donc, ne fais pas travailler ta raison pour contredire les textes. Ta raison, c'est pour comprendre les textes et les mettre en pratique. Et non pas pour s'opposer aux textes. Subhanallah, c'est pour ça, Hanif, Sahl ibn Hanif, radiyallahu anhu, il disait, accusez vos compréhensions, car par Allah, le jour de Abu Jandal, quand Abu Jandal a été ramené, il a fui, il est venu entre les mains du prophète, alayhi salam. Il a dit au messager d'Allah, sauve-moi de ces gens. Il était dans les tortures, il était ligoté dans un état. Sahaba ont pleuré quand ils ont vu son état, radiyallahu anhu. Et imaginez, dans une situation comme ça. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a voulu le prendre. Il a voulu l'exclure de la condition. Et Suhayl ibn Amr, c'est son père. Il a voulu l'exclure de la condition. Il lui a dit, on accepte juste celui-là. Et après, on n'accepte plus personne. Mais Suhayl ibn Amr a insisté. Il a dit, alors tu ne souhaites pas conclure de pacte entre nous et toi. Si tu acceptes celui-là, le pacte ne sera pas fait. Et subhanallah, le Nabi, alayhi salam, lui a dit de patienter et de revenir avec le kuffar. Et ça, pour Sahaba, c'était très difficile, au point où que des grands compagnons, Omar ibn al-Khattab, Sahl ibn Hanif, quand ils ont vu ça, radiyallahu anhum, yani Sahl ibn Hanif, il a dit, si je pouvais ne pas me conformer à l'ordre du prophète, alayhi sallam, ce jour-là, je l'aurais fait. Mais il s'est conformé quand même, radiyallahu anhum. Mais ça démontre son sentiment et ce qu'il y a au fond de lui. Yani, subhanallah, un sahabi torturé comme ça, il vient jusqu'à chez nous et on le redonne aux kuffar. Sahaba, certains ont vu qu'il n'y a pas une humiliation plus grande que celle-là. Et que s'il faut les combattre, on les combat. Et on n'a pas besoin de pacte avec eux. Mais Abu Bakr, regardez d'un autre côté, Abu Bakr radiallahu anhu, ce grand homme de l'islam, Abu Bakr Siddiq, il a dit, il est le serviteur d'Allah, et il ne peut pas désobéir à Allah, et Allah lui donnera victoire et triomphe. Regardez ces paroles, subhanallah. Ces paroles ne sortent pas du cœur de n'importe quel homme, mais subhanallah, même si tu es touché par une choubha, par une ambiguïté, t'entends des paroles comme ça, ça t'apaise. Et c'est le Nabi Aïssa, il a répondu exactement de la même façon. Nous, maintenant, c'est facile pour nous, on lit, on voit les résultats, on connaît les conséquences. Mais imaginez-vous dans, vous êtes dans ces situations. Et ça nous fait revenir aussi à la parole de ce tabi'i. Quand il a demandé à Hudhayfa radiyallahu anhu, est-ce que tu étais avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que il a dit oui, oui? Et il a, Hudhayfa lui a expliqué qu'ils ont connu des épreuves et des moments très très difficiles avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, de toute façon, plus ta foi est élevée, plus ton épreuve sera grande. L'épreuve augmente proportionnellement à ta foi. C'est pour ça les hommes les plus éprouvés, ce sont les prophètes et les messagers. Et l'homme est éprouvé selon son niveau de foi. Donc c'est pour ça on sait, d'après cette règle, que Sahaba, c'est ceux qui ont été le plus éprouvés de cette Ummah. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça, Hudhayfa, radiyallahu anhu, a conseillé ce jeune homme parmi Tabi'in, ne souhaite pas d'être à l'époque du prophète, alayhi sallam, parce qu'il a dit, si j'étais à son époque, par Allah, le prophète, alayhi sallam, on l'aurait pas laissé marcher par terre. On l'aurait porté sur les dos. Il lui a dit, calme-toi. Remercie Allah que tu sois préservé de ces épreuves. Et que t'as pas traversé ces épreuves. Allah aime ce que tu serais devenu. Et de là, on voit le mérite des compagnons, radiyallahu anhum. Le mérite des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les meilleurs hommes de cette communauté. Et c'est les hommes qui ont les cœurs les plus purs. Et, yani, Allah azza wa jal les a choisis un par un pour tenir compagnie à son prophète alayhi wa sallam. Et c'est les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. C'est les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Radiallahu anhum. Qu'Allah les agrée. Et qu'Allah combatte ceux qui les détestent parmi Rafida et Shia et ceux qui les ont combattus également parmi le Khawarij. Qu'Allah les combatte tous. Donc, le Nabi Isa Salam a accepté cette condition qui était très difficile. Et malgré que le Nabi Isa Salam a accepté cette condition, Allah Azza wa Jal a fait exception des femmes de cette condition. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, dans Sourate Al-Mumtahana, ou Al-Mumtahina, il a fait exception des femmes croyantes. Parce que la condition, ça englobe les hommes et les femmes. La condition englobe les hommes et les femmes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait exception, yani les femmes, de cette condition. Allah azza wa jal a interdit aux croyants de rendre les croyantes quand elles viennent et quand elles migrent vers le Madinah. Allah azza wa jal a dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. Al-Ayat. Donc, dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, quand des croyantes viennent vers vous en émigré, mettez-les à l'épreuve. Testez-les dans leur foi. Est-ce que c'est des vraies croyantes? Car Allah en sait mieux sur leur foi. Si vous les avez trouvées vraiment croyantes, ne les rendez pas aux maris mécréants. Désormais, ni elles ne seront plus licites pour eux, ni eux ne seront licites pour elles. Mais rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme dot. Et il n'y aura alors aucun grief contre vous si vous les épousez en leur versant à votre tour leur dot. De même, ne conservez pas les liens du mariage avec les mécréantes. Réclamez à votre tour ce que vous avez dépensé comme dot, tout comme les maris mécréants le réclament Tel est le jugement d'Allah qui décide entre vous. Allah est omniscient et sage. Donc, par ce verset, Allah Azzawajal a ordonné de rompre tous les mariages entre croyants et mécréants. Et de la même, si la croyante migre vers le musulmane, ils doivent l'accepter et ne pas la remettre aux mécréants, car elle est plus licite pour son mari qui est resté dans la mécréance. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand les femmes venaient et qu'elles émigraient vers le Médina, il ne le redonnait pas aux mécréants, mais il les acceptait. Et ça, subhanallah, comme il dit l'imam ibn Kathir, c'est un cas rare et exceptionnel dans la science de usul al-fiqh, où un texte général de la sunna est spécifié par un texte dans le Coran. Et ça, c'est très rare. Car c'est en général, c'est la sunna qui détaille et qui explique et qui spécifie le Coran. Et ce jour-là, avant que le pacte ne se fasse entre les croyants et les mécréants, le Nabi alayhi salatu wassalam avait envoyé Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Il l'a envoyé à Mecca pour les avertir, pour avertir les koufars de Quraysh que les musulmans ne sont pas venus pour le combat. Et ils sont venus seulement et uniquement pour accomplir l'Umrah et repartir chez eux. Et quand Uthman est arrivé à Mecca et qu'il a informé le kuffar de cela, il avait tellement un statut élevé chez eux qu'ils lui ont autorisé de faire l'Umrah lui déjà et de faire tawaf autour de l'Kaaba. Mais il a refusé, il a dit jamais je ne ferai tawaf avant qu'il le fasse le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Regardez ces hommes. Mais Uthman, il n'est pas revenu. Jusqu'à ce que le Nabi alayhi sallam a entendu dire que Uthman radiallahu anhu a été tué. Et quand le Nabi alayhi sallam a entendu cela, il s'est mis en colère, alayhi sallatu wassalam. Il a appelé tous ses compagnons, tous ceux qui étaient avec lui. Les 1500 hommes, il les a appelés à lui faire un pacte d'allégeance sur le combat, de combattre Kuffar Quraysh. Et ils ont tous fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi sallatu wassalam, et ça s'est passé sous un arbre. C'était un jujubier qu'Allah a décrit dans le Coran. Et donc, comme j'ai dit, ceux qui ont fait le pacte d'allégeance de l'Hudaybiya, c'est tous ceux qui sont venus avec le prophète alayhi sallatu wassalam, excepté un homme qui était un hypocrite, qui s'appelle Al-Judd ibn Qais. Lui, il s'est caché derrière son chameau, il n'a pas fait le pacte d'allégeance. Et un autre compagnon, qui s'appelle Hudayf ibn Usayd, sa kunya c'est Abu Sariha. Il y a une divergence, est-ce qu'il a fait le pacte, ou est-ce qu'il ne l'a pas fait, est-ce qu'il était parti quelque part, il ne l'a pas fait, ou est-ce qu'il l'a fait, il y a une divergence. Mais sinon, tous les autres ont fait le pacte ce jour-là, de combattre avec le prophète alayhi sallallahu sallam jusqu'à la dernière goutte de sang. De combattre ses ennemis si jamais il s'est avéré vrai, comme quoi ils ont tué Uthman. Et le premier qui avait fait ce pacte d'allégeance au prophète alayhi sallallahu sallam, c'est un sahabi qui s'appelle Abu Sinan, Wahb ibn Muhsan, le frère de Ukash ibn Muhsan. Ukash ibn Muhsan, c'est celui qui a demandé au prophète alayhi sallam d'invoquer Allah afin qu'il soit parmi les 70 000 qui iront au paradis sans jugement ni châtiment. Et il est de ces hommes-là. Donc celui-là, c'est son frère, il s'appelle Wahb. Et ça a été rapporté comme quoi c'est le fils de Abu Sinan, et non pas Abu Sinan, c'est-à-dire le neveu de Ukash ibn Muhsan. En tout cas, c'est parmi les premiers qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salam sallam ce jour-là. Et également parmi ceux qui ont fait le pacte et qui était un pacte particulier, Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu. Vous vous rappelez Salama ibn al-Akwa', ce grand coureur parmi les sahaba, celui qui a, au sujet duquel a été rapporté qu'il allait plus vite que le cheval, subhanallah, et qui était très très courageux. On a parlé de lui quand on a parlé de Ghazwat Bani Qarab, et on a vu qu'il a pu récupérer le bétail des muslimines à lui seul, contre des hommes qui sont venus les voler, à lui seul. Il les attaquait, et subhanallah, un seul homme, il va attaquer un groupe d'hommes armés des voleurs. Et à lui seul, il les attaque, il court derrière eux jusqu'à s'approcher d'eux, et il les lance avec des flèches. Et après, il prend, quand il se retourne vers lui, il prenait la fuite. Et il pouvait pas l'atteindre. Tellement il allait vite. Radiallahu anhu. Et il n'a cessé de faire ça jusqu'à ce qu'il les a épuisés. Et ils ont abandonné la majorité du bétail qu'il a pu récupérer. Radiallahu anhu. Salama ibn al-Akwa. Et subhanallah, ce jour-là, il devait avoir une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années seulement. Regardez ce courage et cette force qu'Allah a donnée à cet homme, Salama ibn al-Akwa'. Le jour de l'Hudaybiya, Salama radiyallahu anhu a fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi sallam trois fois. Ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, qu'il a fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi sallam trois fois, et c'est le Nabi alayhi sallam qui lui a ordonné de faire le pacte trois fois. Il l'a fait trois fois, radiyallahu anhu. Wallahu alam, la sagesse, j'ai pas cherché, et l'imam Ibn Kathir ne la cite pas. En tout cas, il a fait le pacte trois fois. Et ensuite, Nabi Isa Salam a pris sa main, béni, alayhi salatu wassalam, il a pris sa main, il l'a posée sur l'autre, il a dit, ça c'est pour Uthman. Ça c'est pour Uthman. Il a fait le pacte d'allégeance à la place de Uthman, radiyallahu anhu. Et la meilleure du prophète, alayhi salam, est meilleure pour Uthman que sa propre main, radiyallahu anhu. Et au sujet de cette bay'a, ce pacte d'allégeance qu'Allah Azzawajal a révélé, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah Azzawajal a révélé, Allah était satisfait des croyants qui te faisaient allégeance sous l'arbre. Allah était satisfait des croyants qui t'ont fait pacte d'allégeance sous l'arbre. Et l'arbre, comme on a vu, c'était un jujubier. L'arbre, c'était un jujubier. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Et Allah a su ce qu'il y avait au fond de leur cœur, a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire imminente. Une victoire imminente. La victoire imminente qui est décrite ici, c'est la conquête de Khaybar, que nous allons voir tout de suite après le pacte de l'Hudaybiyah. Donc Allah Azza wa Jalla tout de suite après, les a rétribués, en plus de la récompense qu'il leur a réservée dans l'Akhira, il leur a accordé, comme il a dit dans le verset, dans le sens, et par un riche butin dont ils allaient prendre possession. Allah est tout puissant et sage. Et ce riche butin, c'est le grand butin qui a été pris dans Khaybar, la ville où il y avait les juifs, yani les derniers juifs pas loin de Medina. Khaybar, yani la ville vers laquelle se sont dirigés les Banu Nadir quand ils étaient bannis de Medina. Donc Allah leur a donné ce riche butin juste après ce pacte d'allégeance, avec tout ce qu'il leur a réservé de comme récompense dans l'Akhira. Et Allah Azza wa Jalla leur a promis également la conquête de Mecca, une autre victoire importante, la conquête de Mecca qui a eu lieu pas très longtemps plus tard également. Et donc ce pacte d'allégeance, c'est le pacte qui s'est fait appeler Bay'atul Ridwan, le pacte d'allégeance de la satisfaction, c'est-à-dire qu'Allah était satisfait d'eux, comme Allah a dit: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah était satisfait des croyants qui te faisaient allégeance sous l'arbre. Et ils étaient à peu près 1500 hommes ce jour-là. رضي الله عنهم. C'est pour ça, nous disons, les 4 califes bien guidés, les 10 annoncés au paradis, ceux qui ont fait le pacte de l'Aqaba, et ensuite ceux qui ont participé dans Badr, et ensuite ceux qui ont participé dans le pacte de la satisfaction et de l'agrément, ceux qu'Allah a agréé et desquels a été satisfait. Donc ça, c'est dans l'ordre, le classement dans l'ordre. Et quand Nabi Isa salam a fini ce pacte et il s'est mis d'accord avec Kuffar Quraysh, il a commencé à se désacraliser de sa umrah, car l'accord a été fait de ne pas faire l'umrah cette année. Il a ordonné aux compagnons radiallahu anhum de se désacraliser également, chose qui était très très très très pénible pour eux. Et ils se sont pas exécutés tout de suite. Ils n'ont pas obéi tout de suite. Ça, c'est pas par désobéissance au prophète alayhi wasallam. Ils n'ont pas obéi tout de suite, c'est pas parce qu'ils ont désobéi, mais parce qu'ils espéraient que ce soit abrogé et qu'ils puissent faire l'umrah. Ils avaient encore l'espoir de pouvoir faire l'umrah. C'est comme ça qu'il dit l'imam Ibn Kathir. Et Nabi alayhi salam s'est mis en colère quand il a vu que sahaba ne se sont pas désacralisés, radiallahu anhum. Il est entré, chez Salama radiallahu anha, son épouse Salama, cette femme extrêmement sage, alima, parmi les grands savants de l'islam, parmi les femmes, et très très sage, la mère des croyants Salama radiallahu anha, quand elle a vu ça, elle a compris pourquoi sahaba radiallahu anhum ne se sont pas exécutés tout de suite. Et elle a demandé au prophète alayhi salatu wasalam de sortir et de sacrifier ses bêtes et de raser sa tête, yani d'accomplir la désacralisation devant eux afin qu'ils voient. Et quand ils ont vu que le Nabi alayhi salatu wasalam a sacrifié ses bêtes et qu'il a rasé sa tête, ils ont compris que c'était définitif et qu'il fallait se désacraliser. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait tout de suite. Ils ont commencé à le faire, et ils l'ont fait tellement vite, qu'ils ont failli s'entretuer. Quand ils se rasaient les têtes les uns aux autres, ils ont failli se faire du mal. Mais l'expression, c'est comme je vous ai dit. Mais le sens, c'est ils ont failli se faire mal. Ils se sont précipités à le faire tellement vite. Et ils ont tous raccourci leurs cheveux, ils ont tous rasé leur tête, excepté Uthman et Qatada, et Abu Qatada. Excepté Uthman ibn Affan et Abu Qatada, radiallahu anhu. Les deux seulement qui ont raccourci leurs cheveux. Les deux seulement qui ont raccourci leurs cheveux. Mais tous les autres compagnons ont rasé leurs cheveux et ont fait le rasage, radiallahu anhum. Ça a été cité par Suhaili dans Raud al-Unuf, dans son livre Raud al-Unuf. Ça, c'est parmi les livres les plus importants de la Sira, dans lequel il explique la Sira d'Ibn Hisham, qui est un résumé de la Sira d'Ibn Ishaq. Et dans le hadith, وَكَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمَّا. Et ils ont failli s'entretuer tellement ils étaient affligés, car ils ont vu que les mécréants et les associâtres leur ont imposé des conditions comme ils aiment et qu'ils ont accepté leurs conditions yani, comme Kuffar Quraysh l'ont souhaité. Et ça, comme il dit l'imam Ibn Kathir, car ils avaient tellement de bravoure et de courage que yani, ils préféraient combattre que d'accepter des conditions comme ça. Et tellement ils étaient attachés à faire triompher l'islam. Mais Allah Azzawajal connaît mieux. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. Et Allah il connaît la réalité et le fond des choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît dans quoi il y a l'intérêt et les bienfaits pour le musulmine. Et après l'arrivée de Uthman, sain et sauf, donc les conditions ont été finalisées et le pacte a été fait entre le musulmine et le kuffar de Quraysh, une trêve de 10 ans, avec les conditions que je vous ai citées précédemment. Et quand Nabi Isa alayhi salam a finalisé, yani s'est désacralisé, ainsi que ses compagnons, ils ont pris leur route vers Al-Madina. Ils ont pris leur route vers Al-Madina. Et c'est là où Nabi Isa alayhi salam a révélé Sourate Al-Fath dans son intégralité. C'est une sourate également qui a été révélée en une seule fois. Et on a vu que Sourate Al-An'am a été révélée également en une seule fois. Donc ça, c'est une autre sourate qui a été révélée en une seule fois. C'est Sourate Al-Fath. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, c'est quoi Al-Fath pour vous? Yani, il demandait à certains compagnons radiyallahu anhum, il leur disait, c'est quoi Al-Fath? Al-Fath, yani, c'est la victoire ou la conquête. Yani, il leur demandait, c'est quoi? Yani, qu'est-ce que c'est la victoire qui est citée dans cette sourate, dans sourate Al-Fath? Et ensuite, il leur disait, vous pensez que c'est la victoire et la conquête de Mecca? Il a dit, par contre, nous, on pense, pour nous, c'est la conquête et la victoire dans le pacte de l'Hudaybiyah. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a appelé ce pacte qui a été accompli ce jour-là, il l'a appelé une victoire évidente. Et Allah Azza wa Jal a dit vrai. Et effectivement, on va le voir plus dans les détails, bi'idhnillah, ce pacte a été la cause principale de la conquête de Mecca. Et c'était une grande victoire pour les musulmans et une grande humiliation pour le kuffar. Et non pas comme on pouvait le voir pendant, yani, que le pacte a été fait. Et Allah Azza wa Jal, en plus de cela, il leur a donné ce riche butin qui était le butin de Khaybar. Et le Nabi alayhi salam sallam a passé dans l'Hudaybiyah, il est resté à peu près une vingtaine de nuits. Il est resté une vingtaine de nuits. Et de ce pacte, on voit la baraka. Et le khayr, la bénédiction et le bien, et ni'ma et le bienfait dans la conformité à la sunna et dans la conformité au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et on voit le malheur et le mal qui puisse découler de la désobéissance aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète alayhi salatu wassalam. Voilà mes frères et sœurs pour aujourd'hui, et inshallah demain bidnillah c'est l'Eid pour nous, et après l'Eid, le lendemain de l'Eid, comme je vous ai dit, le 2 Shawwal pour nous ici à Medina, qui va être le lundi, nous reprenons à la même horaire ce qui nous reste de ce livre bi'idhnillah des batailles du prophète alayhi salatu wassalam, et je pense qu'on va les finir bi'idhnillah avant la fin des 6 jours de Shawwal. Qu'Allah nous le permette et surtout nous accorde la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons, et de nous aider à nous réformer dans notre apparence et dans notre intérieur, et d'être toujours dans la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et de prendre nos âmes sur le tawhid pur et purifié de toute forme de shirk et d'associationnisme apparente ou cachée, majeure ou mineure. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama ala nabihi al-amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.